Difficile de savoir ce que l'on veut faire plus tard lorsque l'on est au collège ou au lycée. J'aimais pas du tout l'école, c'était pas mon truc. Mais on oublie souvent que la vie est faite de choix, de décisions qui vous marquent. Je décide de partir en Australie. Il y a des opales, des saphirs, il doit bien y avoir un peu de métier pour moi. Et qui vous construisent. Quand on a quelque chose en tête, il faut aller au bout. Retrouvez ces parcours exceptionnels en podcast sur toutes les plateformes de streaming et découvrez tous les métiers de la joaillerie sur le site demainsenmain.vanclefharpuls.com. Je ne comprends pas, moi je n'y comprends rien du tout, mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, aujourd'hui la maison. Parmi les plus grands traumatismes de la vie humaine, à côté du deuil, de la rupture ou d'un accouchement, se trouve le déménagement. En cause, la perte et la naissance simultanée d'un chez-soi. En cause aussi le choc d'une ancienne vie faite de meubles, de livres et d'habits déplacés, et d'une nouvelle vie dans un nouveau lieu, dans de nouveaux murs, avec d'autres voisins et d'autres paysages. En cause enfin la non-garantie de s'y sentir vraiment bien et par là même d'atteindre le bonheur. À quel moment se produit donc le déclic qui transforme une maison en un chez-soi? Et si le déclic ne venait jamais, faudrait-il en déduire que cette maison n'était pas la bonne ou que la maison n'est peut-être pas le lieu du bonheur? Tout le monde est là? Tout le monde entend? Bien. Alors, je vous propose de débuter par quelques maisons du quartier. On contournera le parc par la gauche, en empruntant l'escalier fleuri que vous apercevez au bout de la rue. Oh, suivez-moi. Heureusement, il y a un ascenseur, n'est-ce pas, c'est au sixième. Oui, heureusement. Mais même petit, ça vaut mieux que rien. Certainement, même petit. Et vous verrez, l'appartement est petit, mais il y a tout le confort moderne. Et peu de nuisances, c'est important, après tout. Oui, après tout. Comme le tout électrique. Ah, oui, c'est un bon exemple. Oh, oui, ils ont désinfecté. Ah oui, je sens. Voici la salle de bain, avec les toilettes séparées. Le ballon d'eau chaude fait combien? Il doit faire au moins 50 litres. Qu'est-ce que vous en dites? Il est pas mal cet appartement, non? Ben, il est un peu sombre. Cheminée. Elle est couverte de poussière. Et ça, des toiles d'araignée partout. Mais c'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? Voilà, oui, la visite est terminée. Merci beaucoup, mais c'est terminé là. Bonjour Emmanuel Ekocha. Bonjour, bonjour Géraldine, merci. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et vient de paraître de vous Philosophie de la maison, l'espace domestique et le bonheur aux éditions Rivage, collection Bibliothèque Rivage, collection qu'on aime beaucoup. Quelle est votre définition de la maison, puisque vous en faites une philosophie? La maison est l'ensemble disparate d'objets, atmosphères, événements et surtout personnes auxquels on demande de produire notre bonheur durable. Donc dans la maison se trouvent par exemple des personnes et des objets qui vont nous apporter du bonheur ou c'est juste en termes d'apport qui vont rendre possible que ce monde soit un espace où il y a du bonheur. Au fond, si on y réfléchit, l'effet qu'on construit une maison, l'effet qu'on rassemble des choses vers lesquelles on revient chaque soir ou chaque jour et des personnes qu'on a besoin d'avoir à côté de soi, signifie que tout d'abord, le monde en tant que tel n'est pas immédiatement capable de produire du bonheur. Il faut les cuisiner, il faut les transformer, il faut déplacer des choses, il faut les transformer, les métamorphoser. Il faut nous-mêmes nous déplacer. Et c'est cette petite cuisine du réel qui fait que il y a une place pour nous dans le monde en fait. Et de fait, ce qu'on appelle maison, au-delà de forme, de l'ampleur, de la grandeur, etc., de la taille, etc., c'est les opérations nécessaires, les opérations matérielles de transformation du monde nécessaires pour que dans ces mondes il y ait une place, c'est-à-dire pour qu'on puisse être heureux au monde. En fait. Ce qui veut dire que pour vous, la maison Emmanuel Ecoccia n'est pas réductible à un espace géométrique, à de l'espace, et ce qui veut dire aussi que la maison n'est pas pour vous uniquement un espace retranché du monde, mais au contraire dans le monde. Oui, tout d'abord, c'est ce qu'on a parlé de déménagement. En fait, c'est ce qu'on comprend lorsqu'on déménage. Le fait que la maison est moins un ensemble de murs, un toit ou un espace ou quelque chose de géométrique ou même une entité purement architecturale. La maison, c'est cet ensemble assez disparate, assez hétérogène de choses et de personnes et d'animaux et de plantes qu'on doit trimballer avec. Donc, c'est une petite portion du monde qui est devenu inséparable de notre corps, de notre vie, de notre âme, en fait. Donc, cela veut dire tout d'abord donc que la maison n'est pas quelque chose qui nous permet de nous séparer du monde, mais au contraire, c'est la portion du monde qui nous rend inséparables du monde. C'est les mondes qu'on peut plus détacher de notre personne, en fait. Donc, c'est l'accès au monde plus vaste, en fait. C'est l'ensemble d'éléments de ce monde qui nous rend, au fond, inséparables de tous les restes. Si je vous suis bien, Emmanuel Ecoccia, ça veut dire que quand, par exemple, je suis dans ma maison, ce qui fait maison, pour moi, ce n'est pas tant les murs, l'emplacement, le lieu, les fenêtres, mais plutôt en fait tout ce qui est à l'intérieur et que j'ai pu transporter de mon ancienne maison à cette nouvelle maison. Donc par exemple, tel livre, tel vêtement, telle photo, en fait ce qui va recréer une ambiance et qui sera plutôt mon monde, ce qu'on pourrait appeler mon monde ou mon ouais. univers d'une certaine manière. Tout à fait, mais cela est vrai au point que, en fait, ce qu'on habite, c'est surtout cet ensemble d'objets, des personnes et même des vies autres que la nôtre, que l'espace lui-même. Je fais l'expérience une fois, je la raconte aussi dans les livres, de devoir déménager dans une maison vide. En fait, j'avais loué un appartement à Fribourg, en Allemagne, et tout de suite après avoir signé le contrat, ma carte de crédit a cessé de fonctionner, donc j'avais rien pour acheter quoi que ce soit, à part un peu de nourriture. Et j'ai dû habiter pendant une semaine dans un appartement où il n'y avait rien du tout. Pas de couvert, pas de chaise, pas de lit, pas d'étagère, pas de table. Et je me suis rendu compte que donc la maison, dans sa pureté absolue, est un espace totalement inhabitable. On peut rien faire, on peut pas lire, on peut pas manger, on peut pas dormir. À un moment, une nuit, je me suis réveillé, j'étais tellement mal que je me suis dit, je vais dormir dans les jardins, ça va être plus confortable. En fait. Vous dormiez sur le sol comme oui. ça et sans couverture. Oui, mais j'en avais pas. En fait. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on habite, c'est pas la maison, c'est l'ensemble des objets qui aménagent, qui rend habitable cette espèce de cube assez violent qu'on appelle appartement, maison, etc. Et c'est ça qui rend notre présence au monde vivable, possible en fait, et ça et la vie des autres en fait. Donc on a une perception erronée en fait. On habite la vie des autres, on habite la vie des objets, et ce sont les objets et les autres qui ouvrent l'espace de la maison. C'est pas la géométrie, ce sont pas les murs. C'est ça la question que vous avez voulu vous poser, la question philosophique que vous soulevez donc dans votre livre. Oui, c'est un livre que j'ai écrit tout d'abord parce que je déménageais un nombre infini de fois et j'ai dû dépasser cette espèce de trauma dont vous parliez du déménagement. Au contraire, ça me donne beaucoup de joie de déménager parce que c'est une manière d'imaginer un bonheur futur. D'imaginer et d'aménager, de rendre possible un bonheur futur. Mais la question était, au fond, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une maison? Et la réponse est ce petit monde, ces cercles magiques à l'intérieur duquel on convoque les mondes qui est plus monde pour nous que le reste. Mais aussi, pourquoi, en fait, on a besoin de cette énorme dépense d'argent, d'énergie, d'imagination? Ben en fait pour les comprendre, je me suis rendu compte que on peut faire une comparaison avec la cuisine. Au fond, nous sommes des êtres qui pourraient manger tout ce qu'on mange cru. On pourrait prendre immédiatement, je sais pas, un coq, un cochon, et juste manger tel qu'il est. Et pourtant, on décide, ben non, on fait en cuisine, c'est-à-dire on mélange des éléments de manière très, très, comment dire, improbable. Par exemple, si je vous dis, si je vous dis, on prend un coq, un cochon et du blé, vous n'arriverez jamais à l'idée des pâtes carbonara. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, en fait. On met ensemble trois éléments assez disparates et par divination, on arrive à produire une texture du réel qui est très différente du point de départ et qui rend les mondes énormément plus agréable, en fait. Ce qu'on plus fait, habitable. Plus habitable et plus, ça donne au monde une espèce de saveur des goûts sublime, en fait. Et c'est ce qu'on fait avec la maison. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on cuisine, on prend des éléments qui n'ont rien à faire les uns avec les autres et on essaye, par divination, de produire une étrange alchimie qui rend notre être au monde, ou qui donne à notre être au monde cette texture, ces saveurs, ces goûts qui est ce pourquoi on ne renonce pas à vivre, au fond. En novembre, j'ai emménagé avec mes filles dans un appartement au sixième étage d'un grand immeuble délabré, bâti au sommet d'une colline dans le nord de Londres. Un programme de réhabilitation était soi-disant prévu, mais rien n'a vraiment démarré. 3 ans après notre installation, le sol des couloirs était encore couvert d'une protection plastique grise. L'impossibilité de réparer et rénover un vieil immeuble semblait tristement pertinente en cette période de désintégration et de rupture. Le processus de restauration pour redonner vie à ce qui existait avant, ici un immeuble de style art déco qui tombait en ruine, n'était pas la bonne métaphore pour ce moment de ma vie. Je ne voulais pas restaurer le passé. Ce dont j'avais besoin, c'était une construction toute neuve. Il était vain de vouloir faire rentrer une ancienne vie dans une nouvelle. L'ancien frigo était trop gros pour la nouvelle cuisine, le canapé trop grand pour le salon, les lits inadaptés aux chambres. La plupart de mes livres étaient dans des cartons remisés au garage avec le reste des affaires de la maison. Plus problématique, je n'avais plus de bureau alors que je n'avais jamais eu autant de travail de ma vie. J'écrivais partout où je pouvais et me concentrais pour offrir un foyer à mes filles. Je pourrais dire que je me suis davantage sacrifié pendant ces années-là que durant mes années de famille nucléaire. Cependant, créer ce foyer, cet espace pour une mère et ses filles, a été une telle leçon d'humilité, une expérience si dure, profonde et intéressante, qu'à ma plus grande surprise, j'ai découvert que je travaillais très bien au milieu du chaos. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna, Savoie. Déborah Lévy, Le coup de la vie, interprété par Bernard Gabé. C'est un texte qu'on peut trouver aux éditions du Sous-sol qui est paru en 2018, traduit par Céline Leroy. On entend très bien dans ce texte, Emmanuel Kocha, la manière dont le déménagement nous met à la fois à nu, nous dépouille, nous confronte à une forme d'altérité et en même temps nous fait apparaître aussi l'essentiel de la maison ou du faire maison, comme vous pouvez dire. Là, elle emploie le terme de créer ce foyer. Elle a été une telle leçon d'humilité, une expérience si dure, profonde et intéressante qu'à ma plus grande surprise, j'ai découvert que je travaillais très bien au milieu du chaos. On pourrait dire aussi en fait qu'on peut très bien faire maison au milieu du chaos. Ah oui, oui. Personnellement, je peux dire que la maison n'est pas quelque chose qui s'oppose au chaos, c'est juste une tentative de maîtriser, de produire un chaos autochtone, un chaos local. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le... Même lorsqu'on visite les maisons, lorsqu'il y a plein de villes où pour arriver à louer un appartement, il faut en visiter 30, 40. Paris en fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque tu fais cette espèce d'exercice, voilà, de passer en revue de différents appartements, c'est qu'on voit que chaque maison introduit un élément de chaos par rapport au milieu environnant, pas dans le sens qu'elle soit désordonnée, c'est que, au fond, l'opération qu'on fait dans chaque appartement, c'est d'introduire un élément qui n'a rien à faire avec ce qui l'entoure, dans un contexte géographique, par exemple à Paris, tu peux rentrer dans un appartement et tu te penses, tu imagines, t'as l'impression d'être à Moscou, et 2 mètres plus à droite, tu es en Afghanistan, et ensuite en Afrique du Sud, et ensuite aux États-Unis. En fait, chaque appartement essaye de produire un monde qui se pose en opposition par rapport à ce qui l'entoure. Donc, ce qu'on fait avec la maison, c'est aussi de produire plus d'entropie, au fond, de produire plus de chaos aussi dans ces sens-là, parce qu'on enrichit l'espace, on y introduit quelque chose qui n'a rien à faire avec ce qui est déjà là. D'ailleurs, c'est pour ça que la maison et écriture peut-être sont si proches. Pourquoi maison et écriture ? Parce qu'on essaye aussi d'introduire du chaos quand on écrit ? Parce que l'écriture, c'est ces mêmes tentatives de ne pas suivre ce qui est en face de toi et d'introduire de la réalité une vision qui vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient, et de l'introduire de manière stable. Écrire, c'est tout d'abord, pour moi, maison et écriture sont liées d'ailleurs. Même Deborah Lévy le disait, c'est la maison est l'espace par excellence de l'écriture pour ceux et celles qui écrivent. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose de très très curieux. Au fond, écrire signifie, comme dire, c'est les gestes ou la substance la plus lysergique, psychotrope qui existe. Écrire signifie à chaque fois avoir une vision, voilà, qui n'a rien à faire avec ce qui m'entoure. Moi, si je commence à écrire, ben j'ai des visions. Ça arrive. Mais ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est comme si on avait ces visions qui normalement sont liées à des substances psychotropes, l'LSD, je sais pas quoi. Mais on produit, on sécrète par les mêmes gestes ces substances qui permet à des dizaines, des milliers, des millions d'autres gens d'avoir cette même vision. Donc, écrire signifie avoir subi une vision, et produire une substance immatérielle, presque, qui permet à plein de gens d'avoir la même vision. Donc c'est produire de l'LSD qui n'a pas des conséquences neurologiques, comment dire, négatives. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on investit une maison, ou même quand on écrit, on a quand même le souci d'agencer, d'organiser une pensée. C'est quand même plutôt ce qui prévaut comme conception du déménagement, ou de l'écriture d'ailleurs, qui est de pouvoir rendre lisible, claire, distincte, une pensée qui, au départ, serait peut-être touffue, ou peut-être une vision du monde qu'on aurait un petit peu mélangée entre des souvenirs, des envies, des amis qui n'ont rien à voir, des anciens amours, des nouveaux amours. Donc comment se produit cet agencement aussi dans la maison qui ne serait pas paradoxal avec ce chaos, qui serait compatible avec ce chaos ? Alors tout d'abord, les chaos est peut-être ce que la production d'une maison, la production d'une écriture déclenche dans le reste du monde. Au fond, écrire signifie produire quelque chose d'ordonné, d'éclair, mais déclenché par ce geste même, des conséquences absolument imprévisibles. Même chose pour la maison, en fait, un produit à un ordre local, mais qui a des conséquences inouïes, imprévisibles dans la ville, par exemple. Et comment on produit de l'ordre, de la lisibilité, de la vivabilité, ben ça, c'est ça relève de cette étrange alchimie qui est du même ordre de la cuisine. En fait, comment on produit de la cuisine ? En fait, il y a évidemment des recettes, mais chacun de nous, lorsqu'on cuisine, sait que ça relève de voilà de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la divination et pas des ordres à accomplir, pas d'un véritable protocole. Pourquoi ? Parce que c'est dans cet ordre et les noms, ce n'est pas voilà quelque chose de visible, c'est un bonheur en fait. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on écrit, mais surtout lorsqu'on aménage une maison, on cherche cette espèce de bien-être, de bonheur, qui est un objet au fond qu'on peut jamais connaître auparavant. C'est ça, au fond, la malédiction de notre existence morale. C'est que la félicité, les bonheurs, on peut que les deviner. On peut pas les connaître auparavant. Et on peut les deviner parce que, tout d'abord, on s'est dit toujours ex post, après coup, ah, j'étais heureux. Donc, on essaie parfois de reproduire, mais c'est changé. Au même sens que, il faut goûter un plat pour savoir si c'est bon. On peut pas l'anticiper, ce bonheur, ce goût, ce bien-être. C'est intéressant que vous prononciez le mot de bonheur, Emmanuel Ecocha, parce que c'est une des grandes idées quand même de votre livre. Vous dites dès l'introduction, toute maison est une réalité purement morale. Nous construisons des maisons pour accueillir, dans une forme d'intimité, la portion du monde. Ça, vous l'avez dit, faites de choses, de personnes, d'animaux, de plantes, d'atmosphères, d'événements, d'images et de souvenirs. Et là, vous dites, qui rend possible notre bonheur lui-même. Et c'est un constat que vous faites dans votre livre, qui est que finalement, jusque-là, la philosophie s'était intéressée plutôt à la police, à la cité, et avait subordonner notre bonheur à la cité au lieu de le penser en termes domestiques. Oui, il y a deux problèmes. Tout d'abord, la philosophie, probablement surtout à cause du fait qu'il a été surtout un exercice fait par des mecs pour deux mecs, c'est quelque chose qui s'est concentré sur l'espace urbain, qui est un espace de représentation, qui est un espace de prestige, qui est un espace de pouvoir. Et qui est et a complètement délaissé l'espace domestique, qui est devenu malheureusement un espace tout d'abord, par exemple, de production d'une domination de genre énorme, mais aussi un espace de reproduction de violences, de inégalités, etc. Et dissimulé, invisible. Tout à fait. Qu'en n'en parlant pas, on pouvait carrément. L'espèce de garage, de trou noir à l'intérieur duquel on cache tout ce qui ne rentre pas dans l'ordre public. Et c'est un problème. D'ailleurs, on l'a expérimenté pendant les confinements. Au fond, les confinements ont été une expérience mondiale, presque planétaire, de soustraction de l'espace urbain et d'obligation à vivre dans un espace domestique. On s'est rendu compte à quel point cet espace avait été impensé, comment dire, avait été l'impensé de notre modernité. Parce que, au fond, la modernité commence là où la ville s'oppose à la maison, la politique s'oppose à la morale, etc., etc. Et ce que j'essaie de faire, c'est de revenir sur cet espace pour plein des raisons, on pourra en parler, mais parce que justement, c'est là qui se joue une bataille, par exemple, pour les bonheurs, que la politique ne pourra jamais, au fond, résoudre. Il y a un autre problème dans la négligence de la philosophie pour l'espace domestique, c'est l'idée qui émerge surtout avec Rousseau que la seule source de notre malheur sont sources politiques et morales et que donc s'il faut produire du bonheur, on ne peut que les demander à la politique. On a oublié qu'il y a toute une dimension énorme de notre existence sur laquelle en fait la politique n'a aucune prise en fait, mais on a fait l'expérience, c'est pas très compliqué, on a fait l'expérience quotidiennement, des ruptures amoureuses, on en parlait, mais même des problèmes d'ordre, comment dire, infra-existentiel, et c'est comme si la philosophie, mais aussi les sens communs, avaient complètement oublié que cette dimension-là présuppose un maniement du réel qui n'est pas politique, qui n'est pas urbain, qui n'a rien à faire avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas social, mais c'est une socialité différente en fait. Et cette socialité différente qui mélange personnes, choses, animaux, plantes, événements, atmosphères, c'est au fond la cuisine du monde qu'on a appelée depuis un moment maison. Et qui se retrancherait du coup du côté de l'intimité, parce qu'on peut aussi vous dire, Emmanuel Ecocha, qu'il y a des slogans actuels qui se formulent sous l'idée de l'intime et politique. Donc finalement, même l'espace domestique serait traversé quand même, si c'est un espace du monde, par des enjeux politiques. Alors ça, c'était les grands slogans du féminisme, en fait, qui, à juste titre, a dit cela pour remettre en avant l'espace domestique. Et c'était pour dire, c'est un enjeu important politique au sens pas que c'est les parlements qui doivent s'en occuper, évidemment aussi, mais politique pour dire, c'est une affaire urgent, important. Mais malgré cela, malgré même tout l'effort du féminisme, il faut dire que c'est un espace qui reste impensé. Lorsque je préparais le livre, j'ai essayé de lire les plus possibles dans les sujets, et c'était hallucinant le fait que sur la ville on trouve des textes, des livres sublimes de la part de poètes, architectes, urbanistes, etc. Et sur la maison, il y a très très peu de textes. Les textes sont très très, entre guillemets, réactionnaires. En fait, voilà, on veut retrouver dans la maison toujours un retranchement du monde, un espace de solitude, etc. De protection. Alors qu'on fait des maisons pas pour... Par exemple, l'expérience commune, c'est faire une maison, c'est surtout pour vivre avec ceux et celles qu'on aime, en fait, et pas juste pour se rétrancher d'eux ou d'elles. Donc il y a un souci de ce type-là, et il y a peut-être un problème d'autre type, c'est qui est le faire intimité avec les choses, avec les animaux et avec les mondes, qui a été oublié aussi parce que on a, comment dire, l'une des conséquences majeures de cette opposition entre l'urbain et les domestiques, la politique et l'intime, ça a été qu'on a condamné la maison et les domestiques à l'espace de la géométrie de la famille. En fait. Donc on a dit l'intimité doit se concentrer sur la famille au sens bourgeois du terme. Ce qui était d'un côté comme une souffrance parce que c'est une forme d'ascétisme si vous voulez. Au fond, la vie de l'homme de l'humanité moderne est une étrange forme d'ascétisme parce que la vie urbaine c'est une forme d'ascétisme joyeuse épicuréenne, mais c'est une forme d'ascétisme à tel point que voilà, à un moment il faut se soustraire de l'espace urbain pour se protéger, retrouver. Mais l'espace domestique aussi est devenu une forme d'ascétisme parce qu'on a dit il faut que je concentre mon intimité avec trois personnes et que ces trois personnes, et on en a souffert énormément pendant les confinements parce qu'on s'est dit mais pourquoi j'habite pas avec mes amis par exemple. Et d'ailleurs c'est tellement le cas qu'on a construit depuis un moment par exemple des couloirs virtuel qui nous permet de cohabiter avec plein d'amis qui n'ont rien à faire avec notre famille. Au fond, WhatsApp, c'est ça, c'est un salon virtuel qui nous permet de revenir à l'expérience d'étudiante ou étudiant universitaire qui faisait que on avait à côté de nous chaque heure de matin, journée, soir, des gens avec qui on pouvait papoter de rien du tout. En fait, c'est pour ça qu'on a construit les social media. En fait, on a tort lorsqu'on compare les social media à un village. Les social media, ce sont des salons virtuels qui ont étendu l'expérience domestique pour transformer une présence intime des personnes qui n'appartiennent pas à notre famille. Et l'autre grande évidence d'une nécessité, d'une volonté que l'espace domestique s'élargisse au-delà des frontières de la famille et de la famille qui est, de ce point de vue, une association purement patrimoniale et politique. Parce qu'on oublie que la famille n'est pas comme une association d'ordre sentimental. La famille, c'est l'union de la production et de la reproduction. Mais je disais, pourquoi c'est les animaux domestiques? Ce sont des choses qui m'ont toujours frappé. Lorsqu'on fait rentrer un chien ou un chat sous nos toits, on dit, cet espace d'intimité dépasse toute forme de généalogie et toute forme de parenté. En fait, avec un chien, on ne pourra jamais avoir une forme de... Mais tout de même, on développe une intimité folle. En fait, moi, je viens d'une famille qui a toujours interdit d'accueillir des chiens et des chats, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui m'avait toujours frappé, et après j'ai compris, dans les comportements des gens qui adoptent un chien ou un chat, c'est qu'au bout d'un moment, ils traitaient ces chiens et ces chats comme des humains. Et j'étais choqué. Jusqu'au moment où j'ai compris, jusqu'au moment où j'ai eu des expériences véritables, et j'ai compris qu'au bout d'un moment, avoir un chien ou un chat à la maison, qu'est-ce que ça signifie? Signifie qu'au bout d'un moment, tu arrêtes de le considérer comme un chien ou un chat. Ça devient une présence. C'est un membre de la maison. Ça devient une intensité d'amour, d'affection, de divertissement, d'amusement, etc. Donc, tu les considères sans... c'est comme si tu lui arrachais les visages, l'identité. Et ce qui est troublant, c'est que lui aussi, ou elle aussi, elle te considère non plus comme un humain, elle te considère comme un chat ou un chien un peu bizarroïde, en fait. Donc, ou comme quelque chose qui n'a plus d'identité. Et c'est ça qui exprime, par exemple, là, on voit très très bien l'essence de la maison. On a besoin des maisons, non pas pour nous retrancher du monde, mais pour, en fait, faire l'expérience de l'autre, sans identité. Au fond, avec un chien, avec un chat, c'est l'expérience primordiale et la plus extrême, parce que cet autre appartient à une autre espèce, d'enlever les visages à l'autre et de pouvoir être en face de l'autre sans visage. Donc c'est l'expérience de deux vies qui se pénètrent réciproquement, mais où chacune d'elles a voulu se défaire de son privilège, comme dire, arracher son privilège, être se métamorphoser, être une vie quelconque. Et où il n'est plus question, je suis quelqu'un, je suis tué quelqu'un, mais du coup, la vie, les corps, les odeurs, les humeurs passent d'un corps à l'autre sans qu'on puisse savoir à qui appartient quoi. Et on a besoin de la maison pour ça, en fait. Il y a quand même dans la maison, Emmanuel Ecocha, et vous en proposez une réflexion, des pièces avec des fonctions bien distinctes. Je vous propose de commencer cette visite avec une première pièce, c'est la cuisine. Sans doute, cette cuisine de rêve est-elle une anticipation des arts ménagers, mais elle est aussi un laboratoire dont les audaces, devenues bientôt réalité pratique, transformeront radicalement notre vie quotidienne. En appuyant sur un bouton, obtenir à volonté glace en cube, glace pilée, boisson chaude ou froide, et l'on prévoit pour plus tard leur distribution par pipeline. Flanqué de casier élévateur contenant tous les ustensiles nécessaires, le fourneau est d'une conception insolite. En marbre d'Italie, il a la propriété de cuire les aliments par chauffage à induction. Vous pourrez, madame, toucher la plaque où l'eau bout, elle restera froide pour vos mains. Ces génies familiers s'occuperont aussi de vos rôtis. L'heure du dîner choisie, ils calculeront d'après le poids l'heure à laquelle les infrarouges auront cuit à point ce poulet. Et maintenant, on passe à la salle de bain. Mais c'est ta musique de rap, là. Putain, frappe, merde. Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là. Oh là là. Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein. Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain. Moi, si ça continue, j'appelle Enfance Maltraitée. Eh ben, appelle-les. Appelle. Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content. Tu m'emmerdes. Oui, je serais bien content. Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Tu m'emmerdes. Putain, on peut même plus se prendre tranquille dans cette maison. Deux salles, deux ambiances donc. La cuisine de l'an 2000 imaginée par les actualités françaises le 27 février 1957. Et donc la salle de bain de Hervé, interprétée par Vincent Lacoste avec sa mère Noémie Lvovsky dans le film de Riyad Satouf qui date de 2009. Ce sont deux pièces que vous analysez, Emmanuel Ecocha, dans votre livre, dans la philosophie de la maison. La cuisine, vous nous dites, est un lieu de double métamorphose. On cuisine à la fois des aliments et on mange ces aliments, ce qui fait qu'on se métamorphose nous-mêmes. On n'est plus jamais le même après avoir mangé un repas. En revanche, la salle de bain est un espace protégé, privé, qui est dédié à une seule fonction. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. C'est peut-être l'antithèse de la métamorphose, finalement, hein. C'est très difficile de se dire que là, on peut faire autre chose dans la salle de bain que de se laver ou de se masturber, peut-être. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Louis Bunuel avait mis, avait joué sur les... sur l'échange des deux pièces, vous vous rappelez, dans les films. Mais pour ce qui concerne la cuisine, qui est peut-être l'une des pièces qui m'est plus chère, mais ça peut-être à cause de mes origines méditerranéennes. Mais c'est intéressant parce que c'est la pièce qui démontre la fausseté de l'idée, la maison serait un espace pour se retrancher du monde. En fait, les espaces, les appartements bourgeois sont des espaces où l'entrée est toujours très très surveillée. Et la seule pièce où vraiment des chiens, des cochons, des vaches, n'importe quoi peut rentrer, c'est la cuisine, en fait. Donc on fait rentrer n'importe qui et n'importe quoi. Mais ça dit à quel point, du coup, la maison ne peut que s'ouvrir au monde. À quel point la maison est toujours un accès à la totalité du cosmos et pas juste une portion limitée d'elle. Et à quel point la maison n'est pas juste une insertion spatiale de quelques dizaines de mètres sur dans un échiquier déjà établi, mais c'est une opération qu'on fait localement pour changer aussi pour métamorphoser la totalité du monde. Donc avoir maison signifie s'installer au monde pour les transformer de manière irréparable. Et ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est que c'est évident que cette cette volonté de métamorphoser les mondes a un but qui est le bonheur. En fait, on cuisine pas pour, juste pour s'alimenter, on pourrait, mais c'est pour bien vivre. Et l'adverbe ici est tout. Pour mettre plus de bonheur, plus de bien dans une expérience quotidienne purement biologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça dit à quel point cette métamorphose du monde est aussi une manière de aussi se transformer soi-même, mais ça donnait aussi ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on cuisine pas juste les autres espèces ou les restes du monde, on se cuisine soi-même. S'habiller, d'ailleurs, c'est une manière de se cuisiner, au fond, pour se rendre plus agréable aux autres. Parler aussi, c'est une manière de transformer, mais de se métamorphoser aussi pour rendre la rencontre plus agréable. Au fond, on oublie à quel point tous les êtres, en fait, sont en cuisine. Tout d'abord, il y a des cas où c'est littéral. En fait, les femmes qui cuisinent une partie de leur corps pour l'offrir aux enfants, c'est étonnant. Mais les plantes, en fait, qui ne font que transformer une partie de leur corps et l'offrir aux autres pour des raisons aussi magnifiques, parce que tout fruit est une espèce d'agence de voyage pour les enfants de la plante qui a produit les fruits. Mais ce qui est troublant, c'est que c'est cet effort qu'on oublie des êtres à se transformer, à se cuisiner, à se rendre plus agréable pour s'offrir aux autres. En fait, la rencontre n'est que cette espèce d'étrange cuisine réciproque qui transforme tout le monde en miel, en fait. Ce qui est une manière de penser les relations entre les hommes, mais aussi entre les humains, entre les objets, entre les êtres vivants, entre les murs, entre tout, de manière de rendre cette idée de relation beaucoup plus, déjà de l'étendre à tout un ensemble d'êtres qu'on n'intègre pas forcément dans les relations, mais aussi, et je pense notamment en fait à ce que vous dites des objets, qui deviennent vraiment des sujets dans la maison, mais aussi c'est une manière beaucoup plus, on va dire, sensuelle, sensible, gourmande de penser ces relations. Oui, et là, par exemple, on voit bien que la question n'est pas politique, elle est plus intime, domestique, sensible, et on voit à quel point, on comprend ce que c'est la mode. La mode, c'est cette étrange cuisine des corps humains, mais pas que humains, qui permet la rencontre et qui permet de transformer la rencontre dans quelque chose qui a une saveur et un goût inoubliable, en fait. D'ailleurs, ce qui est étonnant dans les habits, c'est que au fond, si on y réfléchit, un appartement ou une maison, c'est une espèce d'habit qui s'est étendu, élargi jusqu'à accueillir plein d'objets, plein de gens. Mais l'opposé aussi est vrai. Chaque habit, c'est l'un des rares objets domestiques qu'on trimballe aussi à l'extérieur de l'espace domestique. Et c'est vrai, mais c'est vrai aussi que, au fond, moi, j'ai toujours l'impression, quand je vois quelqu'un d'habillé, que c'est comme si je suis rentré dans son salon. En fait, je vois beaucoup de choses, on comprend tout, en fait, de la façon dont personne est habillé. Mais c'est une manière de, voilà, c'est une maison qui est, un habit, c'est une maison qui s'est tellement rétrécie, qui est arrivée à adhérer au corps de celle ou celui qui la porte. Mais c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est une cuisine de son corps qui permet d'être différemment au monde et de produire un agencement, vous parliez d'agencement, qui est plus agréable, qui est plus efficace, qui produit un instant de bonheur. Alors j'imagine que pour vous, Emmanuel Ecoccia, réduire des objets à de la décoration intérieure ou dire par exemple qu'on va faire sa maison à son image, ça n'a pas de sens pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dissociation entre soi comme être et les objets. Les objets ne sont pas le reflet de nous, mais au contraire une sorte de prolongement ou d'expression. Oui, oui, il y a une espèce de ce point de vue, la mode est exemplaire. En fait, on a un rapport totalement animiste aux objets. On l'oublie, on veut pas les savoir, mais ici, en Occident, pas dans d'autres cultures, on est totalement animiste. Tout d'abord, on l'est dans l'art. Il y a un anthropologue anglais très intéressant du siècle dernier qui avait écrit un livre qui s'appelle un livre d'anthropologie de l'art. Il s'appelle Alfred Gell. Et en fait, c'était un livre sur l'animisme occidental. Tout d'abord, il a dit, ce n'est pas vrai que les Occidentaux n'ont pas d'animisme. Il suffit de se pencher sur les enfants. Les enfants ont un rapport animiste aux objets, ils leur prêtent des vies. Identité, des vies. Et c'est compliqué, je raconte dans les livres un épisode qui m'est arrivé il y a quelques temps. En fait, ma fille, une fois, qui a 6 ans maintenant, qui était déjà dans une époque totalement animiste, avait invité au dîner une amie imaginaire. Et il a commencé à parler avec cette amie imaginaire et au bout d'un moment, j'étais un peu énervé. Et elle a dû comprendre que j'étais énervé, donc elle s'est tournée vers moi. Et elle m'a dit, papa, ce n'est pas un problème si tu ne la vois pas. Elle non plus, elle ne te voit pas. Donc j'ai découvert la complexité de l'animisme des enfants. Mais Gaëlle dit, en fait, il y a un animisme qui est obligatoire et pas juste ironique comme l'animisme des enfants qui peuvent rentrer et sortir dans cette attitude avec aise. C'est-à-dire un espace où on est obligé d'avoir un rapport à des objets qui est parfaitement identique au rapport qu'on a des sujets, c'est l'art. En fait, il suffit de regarder n'importe quel musée. Un musée, c'est un dépôt d'objets normalement très vieux où des gens rentrent et sont convaincus de voir non pas du bois, du marbre, du lin, mais Léonard, Rubens, Paolo Uccello, etc. Donc là, on a un rapport avec à des objets totalement animistes. Mais on les voit encore plus dans la mode, dans les habits. En fait, qu'est-ce que c'est la mode? C'est attribuer à un objet des propriétés qui relèvent d'un sujet. En fait, on regarde une personne et on lit à partir des objets qu'il porte ses qualités psychologiques les plus intimes, en fait. On voit s'il est chiant, s'il est un peu sûr de lui, s'il est exubérant, etc., etc. Et on voit très très bien son rapport, par exemple, à son genre, etc. Donc, et c'est ça qui prouve que les objets sont toujours des sujets qui existent, ou sont toujours du psychisme, de l'âme qui existe dans une matière non anatomique. En fait, on a besoin de ça, on a besoin de faire exister l'âme, pas forcément la nôtre, dans une matière qui est différente de notre corps. Et la maison, c'est cet exercice d'animisme vernaculaire et quotidien. En fait, la maison est surtout l'espace où tout ce qui nous entoure vit de notre même vie. Et c'est à tel point vrai que en fait, à chaque fois qu'on rentre dans un appartement, on devine immédiatement la personnalité de la personne qui l'habite. À tel point qu'il y a plein de gens qui, par exemple, ne veulent pas inviter. Ah, voilà, exactement. Il y avait un ami qui une fois m'a dit je vais jamais chez les gens parce que j'ai pas envie de rencontrer de connaître la folie des gens, en fait. Et c'est vrai, en fait. Et qu'est-ce que ça dit cela? Ça dit que les objets dont on s'entoure vivent une vie qui est qui est la même vie de notre inconscient et la vie de manière plus explicite que notre corps anatomique. On les voit lorsqu'on s'est maquillé, par exemple. Se maquiller signifie admettre que une portion de matière quelconque du monde est plus capable plus à même d'exprimer une qualité de notre personnalité que notre propre corps. Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout. Je connais la place des anciennes portes. Tout. Toutes les plantes, la place de toutes les plantes. Même les plantes sauvages. Je connais la place. Tout. J'aurais jamais cru qu'un lieu pouvait avoir cette puissance, cette force-là. Toutes les femmes de mes livres ont habité cette maison. Toutes. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Elle était habitée par moi aussi, complètement. Je pense que c'est le lieu du monde que j'ai le plus habité. Il faut vous dire que j'étais fille de fonctionnaire et que pendant toute mon enfance, je n'ai fait que changer de lieu. Quand mes parents changeaient de poste, je changeais de maison. Et ensuite, j'ai eu des appartements loués à Paris et c'est la première fois que j'ai une maison à moi. Et c'est un peu comme si j'y étais née quand même, ici. J'ai tellement fait à moi que j'ai le sentiment qu'elle m'appartient depuis depuis avant moi, enfin depuis avant ma naissance. Marguerite Duras, les lieux de Marguerite Duras, c'est une archivina du 3 mai 1976. Vous avez raison, Emmanuel Ecocha, vous me le disiez à l'instant, c'est beau, c'est très beau. Elle parle du sentiment d'habiter sa maison avant même qu'elle soit née, avant même sa naissance, qui nous permet, Emmanuel Ecocha, peut-être de se dire, de réfléchir sur ce thème d'habiter. On a parlé de la maison, mais finalement, qu'en est-il du sentiment d'habiter un lieu ? Je pense qu'elle habitait, tout d'abord, le mot qu'il a dit, habiter signifie à... c'est une intensification du mot avoir en latin, mais c'est cette tentative de renverser un rapport de l'avoir, un rapport de propriété, à une identité ontologique. Au fond, habiter signifie, comme Marguerite Duras l'a dit, en fait, s'identifier totalement avec les objets qui nous entourent, à tel point qu'on a l'impression d'avoir été là avant notre naissance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, au fond, à tel point de confondre les choses avec notre propre corps, en fait. Donc, c'est ce que chaque maison est censée faire. C'est ce que, en fait, l'activité quotidienne d'aménagement, de nettoyage, etc., est censée renouveler. C'est la maison, c'est au fond les gestes fous et qui impliquent un amour, si on y réfléchit, inouï, immense, qui investit jour après jour, nuit après nuit, un ensemble de personnes et d'objets avec lesquels on décide chaque jour de s'identifier. Au fond, habiter une maison, c'est ça, c'est dire aimer tellement une partie du monde que tout d'abord on s'élance sur 20 ans, 30 ans de cohabitation commune, mais surtout qu'on accepte de faire ces gestes quotidiens, d'échange de corps presque. Parce que habiter, et ça on les voit même, on l'a entendu dans les passages du film de Riyad Satouf, en fait, au fond, habiter avec quelqu'un signifie accepter quotidiennement que nos corps soient remplaçables. En fait, qu'on vit à travers les corps de l'autre et que donc l'autre vit dans notre corps. Et c'est un geste, un amour inouï. C'est pour ça qu'il faut revenir aux domestiques, il faut repenser les domestiques et pas penser que tout se joue sur les plans urbains, politiques. Parce que ces gestes d'investissement quotidien, conscient, patient, répétitif, d'investissement d'amour des choses, et c'est pas par hasard que Duras disait ce sont les femmes qui habitent et pas les mecs. C'est un geste qui fait les mondes, qui est beaucoup plus originaire, fondamental de la fondation du ville, mais qu'on a complètement mis de côté. Alors, il faut quand même signaler que dans la philosophie, il y a quand même deux personnes qui ont parlé du fait d'habiter et de la maison. Il y a d'un côté Heidegger, qui a écrit notamment « Bâtir, habiter, penser ». C'est un texte de 1951 qu'il a écrit en pleine crise du logement, enfin de l'habitation en Allemagne après la guerre. Et puis, il y a aussi évidemment Gaston Bachelard, qu'on n'a pas pu vous faire écouter, mais qui a parlé quand même de la maison natale, de la cave, des greniers. Et là, on a deux visions quand même de la du fait d'habiter, qui n'est pas en fait le fait d'avoir choisi, mais qui distingue bien le fait de s'enraciner quelque part. D'un côté, ça c'est pour Heidegger, et pour Bachelard, on est plutôt du côté de l'onirisme, en fait, d'une sorte d'espace mental. Vous vous situez où, Emmanuel Ecocha? Peut-être ailleurs, mais ce qui est intéressant dans les textes de Bachelard, qui est un texte sublime, en fait, même si c'est... Peut-être ça répond ou ça exprime une expérience de l'habité qui nous appartient plus, qui nous appartient plus parce que c'est difficile de voir la maison comme un espace de telle intimité après un Airbnb dans un monde de circulation globale de ce type-là. Mais ce qui est intéressant et ce qui m'a fasciné dans les livres et ce qui me fascine aussi dans l'habité, c'est le fait qu'en effet on a besoin de la maison surtout pour dormir et pour rêver. On oublie, mais les lits est peut-être l'élément le plus essentiel de la maison, dans le sens que s'il n'y a pas de lit, cet espace n'est pas une maison. On peut enlever tout, mais dès qu'il n'y a pas de lit, un espace meublé cesse d'être une maison. Donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit une chose qui est très belle. En fait, un lit, c'est un objet magique, en fait. C'est un objet où on les touche, en fait, on les touche chaque soir et on disparaît. mais on ne disparaît pas juste face aux autres, donc c'est pas juste un retrait du monde, on disparaît face à nous-mêmes en fait. On rentre, c'est comme si on glissait dans un trou noir à l'intérieur duquel on ne sait pas ce qu'il se passe. On sait que c'est très peuplé parce qu'on a des souvenirs vagues de nos expériences, les rêves justement. Il y avait plein de gens, plein de monde, etc. Mais on a du mal même à témoigner de ces heures passées. Déjà, c'est très bien, c'est incroyable l'effet que chacune et chacun de nous a passé 6 heures, 7 heures, 8 heures dans un endroit où personne sait, et que la maison c'est cette espèce de garage de l'âme dans lequel on passe beaucoup de temps. Mais ça nous dit aussi quelle est peut-être l'une des fonctions essentielles de la maison, c'est disparaître. En fait, on a besoin des maisons aussi parce qu'on a besoin de disparaître. Et ça, c'est peut-être des plus en plus important dans un monde de surveillance globale ou de, voilà, où tout le monde sait ce que tu fais toujours. Rêver, dormir, c'est une manière de disparaître pour tous et toutes, surtout pour nous-mêmes, en fait, face à nous-mêmes. Est-ce que c'est ça la condition de se sentir, ce qu'on a parlé d'habiter, mais se sentir chez soi, un chez soi, faire maison? Est-ce que c'est la même chose déjà? Est-ce que c'est ça en fait, être chez soi ou faire maison, c'est pouvoir à la fois se métamorphoser, faire corps avec le monde et en même temps s'en soustraire et disparaître? Mais c'est pas disparaître, c'est pas s'en soustraire, parce que ce qui est intéressant dans la disparition du rêve ou dans la disparition du sommeil, c'est que voilà, on disparaît, mais on voyage dans un espace qui est encore plus peuplé que le monde de la veille. En fait, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est que on n'abandonne pas les mondes, on s'immerge encore plus en fait. Mais voilà, personne, surtout pas ta conscience, c'est très bien ce qu'il s'est passé. Mais pourtant, on sait qu'il y a des choses folles qui se passent là-dedans et qui sont des choses de ce monde-là, en fait, et pas qui vient d'ailleurs. Merci beaucoup, Emmanuel Ecoccia. De vous, on peut donc lire Philosophie de la maison, l'espace domestique et le bonheur. C'est aux éditions Rivage, collection Bibliothèque Rivage. Mais aussi, on peut aussi lire de vous Métamorphose dans la même maison d'édition, édition Rivage. Et puis aussi La vie des plantes, une métaphysique du mélange, édition Rivage. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Écoutez France Culture, Diana Ross, It's My House. Il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment habiter l'espace? Il peut sembler évident que nous autres êtres humains, comme tous les autres êtres vivants, nous habitons l'espace, nous habitons dans l'espace. Nous avons besoin d'un espace pour vivre, d'un espace que même certains ont dit pour le transporter dans la guerre, un espace vital. Et il peut sembler évident que la quantité d'espace, que la maîtrise de cet espace, y compris mathématique et technique, est le premier élément de notre habitation du monde, notre élément concret, ce pour lequel nous devons nous battre le plus. Or, il est peut-être